C'est spécial à dire, on voudrait, mais c'est par la déception. C'est par la déception qu'on intègre. Puis, bon, je veux dire, si ça marchait par la satisfaction, ça ferait longtemps qu'on aurait fini. On aurait une civilisation parfaite. Mais c'est pas par la satisfaction que ça marche, c'est par la déception. Fait que, bon, on n'a pas fini. Exactement, mais pour plus vivre de la déception, à quelque part, il faudrait plus avoir de désir. Donc, mais à ce Ça moment-là, dépend. ouais, ah, ok. Ça dépend. Ben, ça dépend. C'est-à-dire, c'est est-ce qu'on parle du désir au sens d'un besoin réel? Ok. Parce que là, si tu enlèves un désir qui n'est pas réel, ça va engendrer de la déception. Un désir, un besoin qui est réel, ça va engendrer de la frustration. Mais pas de la frustration au sens psychologique. De la frustration au sens qu'il y a un manque réel. Comme Ça, une après, on carence, comme retombe. un enfant qui est carencé, puis un besoin réel d'être allaité par la mère, puis il l'a Ça. pas. Ouais. Fait que là, ça crée un stress sur sa structure. Parce que justement, la structure, ça a besoin d'être alimenté. Donc, fait qu'au fond, c'est d'aller vers le dynamisme. Dans le fond, il va falloir se satisfaire de ce qui est réel pour plus vivre de déception, puis on va en vivre pareil. Parce qu'il y a des Ben, c'est besoins pas. qui peuvent ne pas être comblés. Exact. Mais il faut qu'on apprenne à gérer. Donc, il faut qu'on le vive. Donc, ça Si on revient au veut. principe de la nécessité de l'expérimental. C'est ça. Ben, il n'y a pas grand-chose de plus puissant que la nécessité. Il y a bien du monde, ils s'en sortent parce qu'ils n'ont pas le choix.